بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، هذا هو الدرس الرابع عشر في كتاب إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فأنا الله عز وجل سنتخو كتورزيام كور autour de ce livre de son éminence Cheikh Rabi, qui porte l'étendard de l'éloge et de la réfutation que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. فيقول حفظه الله وتالتهم أي تالت الأنبياء الذي أخذ كمثال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال وما واجه من صعاب فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. Il dit حفظه الله تعالى est le troisième parmi ses prophètes, c'est-à-dire il a pris cinq prophètes comme exemple pour nous enseigner, nous éclairer sur la voie de la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam. Et là on est arrivé au troisième prophète, c'est Youssouf alayhi salatu wassalam. Il dit Youssouf, le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Allah subhanahu wa ta'ala, dit Cheikh Hafidhahu Allah ta'ala, a descendu un verset concernant ce prophète alayhi salatu wassalam. Un long verset qui nous compte la vie, la noble vie de ce prophète alayhi salatu wassalam et les étapes de sa vie depuis son enfance jusqu'à sa mort. Et comment il a été dans des situations très difficiles et il a passé face à ces situations, il a réagi avec la force de la prophétie, et l'endurance, et la patience, et la sagesse, hein, et la science de la prophétie. Et quand Cheikh il a dit Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim, c'est-à-dire, il fait allusion au hadith d'Abdullah ibn Omar, comme il le dit ici en bas de la page, qui est rapporté par l'imam Bukhari, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yaqul ali nabi sallallahu alayhi wa sallam qal al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim Youssef ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Et quand il dit Youssef le noble, hein, il fait le Cheikh Abdallah ta'ala, il fait allusion au hadith du prophète alayhi salatu wa sallam rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah et par l'imam Ahmed, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, c'est-à-dire Youssef. Et dans le hadith, il dit Youssouf ibn Yaqub, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Il fait aussi allusion à ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, d'Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu warḍah, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال أتقاهم لله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Et il fait aussi allusion à ce hadith de rapporté par l'imam Bukhari aussi par l'imam Ahmed et d'autres, où, et le hadith il est d'Abu Huraira, où on pose la question au prophète, qui est le plus noble des gens. Et il dit, celui qui préserve les droits d'Allah. Ils ont dit, c'est pas celui-là, c'est pas sur celui-là quand on pose la question. Et il leur a dit, bah, le plus noble des gens, c'est Yusuf, prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami intime d'Allah. Ils lui ont dit, ce n'est pas sur ça qu'on t'a posé la question. Alors il leur a dit, alors vous me posez la question sur l'origine des Arabes. C'est sur ça que vous me posez la question. Sachez que les Arabes, ceux qui étaient dans le Jahiliya, bon, ben ils seront bons dans l'islam si ils ont la science de la religion. C'est les meilleurs dans la Jahiliya. Si vous me posez la question sur les gens de la Jahiliya, sur les Arabes, et c'est les gens, ceux qui étaient bons et nobles dans le Jahiliya, ben ils seront bien dans l'islam s'ils comprennent la religion, s'ils ont le fiqh de la religion. فيقول الشيخ حفظه الله رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها عرف ما فيها من فساد ووتنية عرف ما فيها من فساد ووتنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله. Il dit حفظه الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام la mauvaise vie il a vu toute la perversité qu'il y avait dans le palais de Pharaïna en Égypte. Il leur injustice et il a connu les croyances et les dogmes qu'avait de cette communauté dans laquelle il a vécu. Hein? Et il a vu le mal dans lequel ils étaient et leur adoration des statues, des animaux comme les vaches. Et ils prenaient tout ça comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبك الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حفظه الله قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى دي حفظه الله تعالى l'histoire de ce noble prophète est longue, mais nous allons prendre des leçons de sa vie et certains passages de sa vie depuis qu'il est rentré en prison et sa da'wa en prison. قال عز وجل ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Et dans ce verset que nous rapporte Cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala, et que avec Yusuf alayhi salatu wasalam, deux autres jeunes sont rentrés en prison. Et là, a dit, a conté son rêve. Ah, et ça, la ru'ya qu'il a fait, il a dit à Yusuf alayhi salam, je vois que je suis en train de presser du vin. Et l'autre, il a dit, moi je vois que je porte sur ma tête du pain et les oiseaux mangent de ce pain. Et ils ont demandé à Yusuf alayhi salam, ils ont dit, nous voyons que tu fais partie des gens du bien. Fais-nous, interprète-nous ces rêves que nous avons vus. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, dès que votre repas arrive, je vous expliquerai votre rêve. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a appris. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la science du livre, il lui a donné en même temps, la science du livre, il lui a donné en même temps la science d'interprétation des rêves. Et il a dit, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que mon souverain m'a appris. وقال, إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Et il a dit aussi, إني تركت, j'ai délaissé. Et cette expression, comme dit l'imam Sa'di rahimahullah, veut dire que c'est utilisé pour celui qui délaisse une chose, et il s'utilise aussi pour celui qui n'y est même pas rentré. Et il est évident que Yusuf alayhi salam n'a jamais été dans les voies de l'égarement et dont il n'a jamais adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, j'ai délaissé la voie de gens qui ne croient pas en Allah azza wa jal, ni en le delà, et ils sont mécréants. وقال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Il a dit après, j'ai suivi la voix de mes parents, que des prophètes. J'ai suivi la voix de mes parents, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Nous n'avons pas à associer Allah, subhanahu wa ta'ala, rien. Aucun. Nous devons faire aucun associé à Allah. Et ça, ça fait partie des bienfaits avec lesquels Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a comblés. Et ça fait partie des bienfaits avec lesquels il a comblé les gens. Mais beaucoup ne sont pas reconnaissants. Et beaucoup ne sont pas reconnaissants. Regardez, avant de commencer à leur faire, à leur interpréter, hein, regardez cette leçon sur le monothéisme qu'il leur donne. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala ne rate pas une occasion pour inculquer le monothéisme et pour combattre l'associationnisme. Ya sahibay sijn arbabun mutafarriquna khayrun amillahu alwahid alqahhar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et maintenant, il continue à leur faire la da'wah, il dit, ô compagnons de prison, ô compagnons de prison, est-ce que des divinités dispersées sont mieux ou Allah le Tout-Puissant? Regardez comment il leur montre la bassesse de l'associationnisme et les vertus et la grandeur du monothéisme. Est-ce que des divinités dispersées et différentes sont mieux ou Allah le Tout-Puissant? Ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce ne sont que des noms que vous avez donné à ces divinités, vous et vos parents, alors que vous n'avez aucune preuve. Et la loi appartient à Allah seulement. Et regardez comment il explique la loi et le jugement. Il explique, il a ordonné qu'on lui fasse, qu'on l'adore uniquement. Et ça, c'est la religion de la droiture. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, ne savent pas. Regardez, il est hukmu ila Allah, les lois sont à Allah Azzawajal, il l'a expliqué tout de suite, il ne faut pas que vous adoriez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que vous réserviez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le hukm, il est là, dans le verset, Youssef nous l'explique avec eux, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la religion droite, mais beaucoup de gens ne savent pas. Khouatel Islam, قصة يوسف قصة عظيمة حتى أن الإمام ابن القيم قال إن فيها أكثر من 1000 فائدة ثم قال إن يسر الله سأفردها في مجلد ومات رحمة الله عليه ولم ييسر له هذا الأمر وإلا لكان أمرا عظيما وهو عالم الفوائد بحق رحمة الله عليه وحقق شيئا من هذا المقصد العلامة السعدي رحمه الله في رسالة وهذه الرسالة ترجمت باللغة الفرنسية. وهذه فإن الله عز وجل l'histoire de ce prophète Youssef عليه الصلاة والسلام est une grande histoire. Il est grandiose. À tel point qu'Ibn al-Qayyim رحمه الله il a dit qu'il y a 1000 leçons à retenir dans l'histoire de Youssef عليه الصلاة والسلام. Et il a dit si Allah lui facilite, il va sortir ces 1000 leçons à retenir dans un mujallad, dans un énorme livre. Mais Rahmatullah alayhi, il est mort sans avoir accompli cette œuvre. Et s'il l'avait accompli, ça aurait été un énorme bien, parce que la caractéristique de l'imam Ibn al-Qayyim Rahmatullah alayhi, c'est le savant des leçons à retenir. Dans ses livres, tu vois toujours les trucs à retenir, il te les sort, Rahmatullah alayhi. Et son éminence, Sa'di Rahimahullah, cher du Cheikh Al-Utaymiyyin Rahmatullah alayhi, jami'an, a accompli une part de ceci, mais ce n'est pas énorme. Il a accompli une part en réservant à l'histoire de Youssef une petite risala dans laquelle il y a certaines leçons à retenir. Et cette risala a été traduite par certains de nos frères en langue française. بإتالتهم ضد الحكام الظلمة ولم يقل لهم أنا وأنتم في السجن مظلومون. هنا ننتظم، هنا ننظم تنظيما سريا ونتهيأ، فإذا خرجنا نسطو على أولئك الحكام الظلمة ونأخذ ملكهم. هل فعل هذا؟ هل سمعتم هذا في سورة يوسف؟ أبدا إخوة الإسلام. Quelque chose qu'il faut qui attire notre attention, frère en Allah, Azza wa Jal. Youssouf alayhissalam a connu la perversité des pharaons dans leur palais et la perversité des femmes des pharaons dans leur palais. Il a connu le mal et l'injustice en Égypte. Mais quand il était en prison, il n'a pas commencé sa da'wah en s'adressant à ses injustes. Il y avait beaucoup de monde en prison qui était injustement emprisonné. Il n'a pas commencé sa da'wah à exciter ses prisonniers contre le gouverneur et pour faire un putsch militaire, un putsch ou là pour faire une révolution ou là pour renverser le gouverneur ou quoi que ce soit. Il ne leur a pas dit, vous et moi nous sommes injustement dans cette prison. Venez, on va faire une organisation secrète et on va mettre une stratégie entre nous et après quand on sortira des prisons, hein, on prendra le pouvoir et on fera, etc. Et on prend le pouvoir de ces injustes. Et ce qu'il l'a fait, regardez, du début jusqu'à la fin, nous sommes là, Youssouf, allez-y là, et méditez là. Jamais il l'a fait. Et ainsi tous les prophètes, alayhi salam, n'importe où, où ils sont, ils appellent vers le monothéisme, ils blâment, ils interdisent l'associationnisme. Wa sami'na fil ayati bimada bada'a ma'a fitian al-sijn اغتنم الفرصة لدعوتهم إلى التوحيد وهكذا الأنبياء والدعوة المصلحون ما يتركون فرصة إلا ويدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. إن الله عز وجل nous avons entendu ce verset, ce passage de سورة يوسف que nous a cité Cheikh Rabbi حفظه الله تعالى. Nous avons vu dedans comment Youssef عليه السلام a commencé la da'wah avec ces jeunes prisonniers qui étaient avec lui. Il a profité de l'occasion pour les appeler vers le monothéisme. Et ainsi sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Et ainsi aussi font les du'ats réformateurs qui veulent le bien des gens. Ils ne laissent pas, ils ne ratent pas une occasion sans appeler les gens vers le monothéisme et sans les avertir contre l'associationnisme. Wa sami'tum kadhalika fi hadhihi al-aya كيف بين لهم يوسف العقيدة وأنه متبع للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبين لهم مفاسد الشرك ومحاسد التوحيد فهذا هو المنهج العظيم الذي كان عليه رسل الله وأنبياءه. Et vous avez entendu aussi dans ce passage que nous a cité Cheikh Rabi' de la sourate de Youssef عليه السلام comment Youssef leur a montré la aqida, la bonne croyance. Il a aqida authentique. Et comment il a montré que lui, il suit la voie des prophètes alayhissalam, qui sont Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il leur a montré la nullité et le faux et le mal de l'associationnisme. Et il leur a montré les vertus et la bonté du monothéisme. Et ça, c'est la noble voie. La noble voie sur laquelle étaient les prophètes d'Allah et ses messagers alayhissalam. Et c'est sur cette noble voie que doivent être les prêcheurs. إلى دعاة إلى الله. ففي السجن يكون هناك مظلومون كثيرون فمن السهل لأي أحد أن يهيجهم على الحاكم. وطبعا هذا ليس هو منهج الأنبياء. فالدعوة إلى التوحيد هي المتحتمة على كل أحد ولو كان في السجن. فهذا الذي يجب أن يركز عليه ويهتم به لأنه رأس مال الداعية. Il est évident, frère en Allah عز وجل, que dans toute prison il y a toujours beaucoup de gens qui sont là injustement. Donc il est plus facile de les exciter contre les gouverneurs. Et naturellement, ça, ce n'est pas la voie du prophète alayhi salatu wassalam. La da'wah et la voie du prophète alayhi salatu wassalam implique, il nous impose, il impose à tout un chacun, même s'il est en prison, de baser sa da'wah sur le monothéisme, de s'occuper du monothéisme, car c'est le capital du prêcheur, c'est le monothéisme. فكثير من المعاصرين سلكوا هذا المنهج في السجون يقولون للمسجونين أرأيتم الظلم الذي نحن فيه والاضطهاد وما سلى هذه البداية إنها بداية الشيوعيين والثوريين وهكذا بدأت الثورة في فرنسا هكذا كان كلام الثوريين الفرنسيين الاضطهاد والظلم والاحتقار إلى متى نصبر فهذه بداية تورية وليست بداية الأنبياء ومن نحى نحوهم. Et frère en Allah Azza wa Jal, beaucoup de nos contemporains, parmi les du'ad, ont pris cette voie en prison. Ils ont dit aux prisonniers, voyez la justice dans laquelle nous sommes, voyez comment nous sommes traités, voyez comment nous sommes traités injustement, etc. Et ceci, c'est un début qui est très facile. Et ça, ce n'est pas le point par lequel ont commencé les prophètes. Ça, c'est le point par lequel démarrent les communistes, les révolutionnaires. Et ainsi a commencé la révolution en France. Ça, ce sont des paroles de révolutionnaires français. Hein? L'injustice, hein? L'écart social, et ainsi de suite. Jusqu'à quand nous allons rester comme ça, croisons les bras. Ainsi, ça, c'est le début des révolutions. Et ce n'est pas le début de la da'wah des prophètes, alayhi wa sallam, et ceux qui les suivent, ils suivent leur voie. Ou par le du'at fi hadha al-asr, dakhal al-sujoun, fa'idha bihim yahidoun an manhaj al-anbiya. ويكتبون مقالات تهيجية وتكفيرية. Et certains du'at, frère Allah Azza wa Jal, ont passé un certain laps de temps en prison. Et de là-bas, ils écrivaient, hein, l'écriture, des textes takfiri et des textes qui excitent la jeunesse contre leurs gouverneurs, contre leurs savants, etc. والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم في داخل السجن يدعو الى التوحيد ويحارب الشرك. Et le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, Yusuf alayhi salatu salam, à l'intérieur de la prison, il appelait vers le monothéisme, il combattait l'associationnisme. À l'intérieur de la prison. والدعاة المعاصرون وهم احرار لا يبالون بهذا الأمر وينفعون به رأسا فحتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله صرفوها إلى السياسة وقالوا لا حاكم إلا الله كما حرفها سيد قطب وأتباعه. إن الله عز وجل كنت à certains prêcheurs contemporains qui sont libres, qui ne sont pas en prison, ne donnent pas l'importance à ce sujet et à ce point essentiel et ce pilier très important de notre religion. Et ne le considère même pas. Même la parole, la sublime parole, La ilaha illallah ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui ont donné un autre sens, ils lui ont donné un sens politique. Pour eux, ça veut dire il n'y a de juge qu'Allah azza wa jal. Comme l'a dépouillé de son sens et lui a changé son sens, c'est Sayyid Qutb et ceux qui le suivent. Ikhwat al-Islam, ajma'a ahlul ilm. أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وتفسيرها إخلاص العبادة لله وهؤلاء الحركيون صرفوها إلى السياسة فالتحريف لم يتوقف عندهم على الآيات فقط فالتحريف حتى في الأصول وفي كلمة لا إله إلا الله التي قامت عليها الشريعة. إخوان الله عز وجل les hommes de science sont unanimes que la parole sublime, la ilaha illallah, sa signification veut dire ni digne d'être adoré qu'Allah. Et sa réelle interprétation, c'est réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir la religion sincèrement pour Allah et uniquement pour Allah. Mais ces activistes ont détourné la ilaha illallah vers la politique. Enfin, leur falsification des textes. Le fait de détourner les sens, c'est pas arrêter tout simplement sur le verset, ou là sur le sens des noms et des attributs. Là, il est allé à la base, à la ilaha illallah, sur laquelle s'est accomplie la législation de Allah subhanahu wa ta'ala, et ils lui ont donné un sens politique, tout simplement. وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِتَوْحِيدِ الرَّابِعِ تَوْحِيدِ الْحَاكِمِيَّةِ زَادُوهُ عَلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ مُسْتَقْرَأَةٍ مِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ والتي عليها إجماع أئمة العلم وجاء في معنى لكلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يأتي بهذا القسم الرابع توحيد الحاكمية إلا جاهل. لماذا؟ لأن الحاكمية تدخل في ألوهية الله سبحانه وتعالى. Et certains contemporains ont ramené une quatrième forme de monothéisme dont ils ont dit le monothéisme ديال الحاكمية. Ils ont rajouté ça. Alors que les trois formes qui sont la souveraineté, le monothéisme de la souveraineté, le monothéisme de l'adoration et le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'unanimité des hommes de science dessus. Et leurs preuves sont dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète. Et dans une parole qui veut dire ceci dans la parole de Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, il dit rahmatullah alayh, nous ramène cette quatrième forme de monothéisme, qui est le monothéisme de l'Hakimiyya qu'un ignorant. Pourquoi il faut l'islam? Parce que l'Hakimiyya rentre dans le monothéisme de l'adoration, il faut l'islam. وإخوة الإسلام مع أن يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام كان وحيدا في دولة وثنية دعا إلى التوحيد على قدر استطاعته وماذا يفعل هذه الأفعال وما ذهب يفعل هذه الأفعال التي المتهورة من سرقة وتفجير وغدر التي نسمع اليوم. فقال الله عز وجل alors que يوسف عليه الصلاة والسلام était seul dans un état de mécréance et dans un état de mécréant de la tête aux pieds, il a appelé vers le monothéisme selon ses capacités et selon ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas été faire des choses comme on les entend maintenant de ceux qui ne sont pas doués de raison, qui sont insensés. Ni il a appelé au butin, au vol, à voler les mécréants, comme le font certains sur les ronds d'Yel Tkfir, et d'Yel Ansar Sunna et autres. Il n'a pas appelé à la trahison comme on l'entend maintenant. فأنت ترى هؤلاء وتسمع لهؤلاء الغلاة في الدول الكافرة يؤسسون جماعات سرية للتفجير والتدمير والتخريب وعندما ينكشفون يحكم عليهم بالمؤبد وهذه هي نهاية شجاعتهم ودعوتهم. Et tu vois, frère, en Allah Azza wa Jal, et tu entends ces extrémistes dont Tkfir, dans les pays de mécréance, ils font des groupes secrets pour bombarder, pour mettre des bombes, pour détruire, pour voler, pour piller, pour faire des hold-up. Ils appellent sur certains sites à faire des hold-up. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam wa al-afiyah. Et quand ils sont arrêtés, certains parmi eux, surtout leur tête, comme vous allez l'entendre, prennent perpétuité. Voici où ça amène leur da'wa. Perpétuité dans un pays de mécréance et dans des prisons de mécréance. Voici où ça amène leur da'wa et leur bravure et leur courage. وهذا وقع ممن يحسبون من أهل العلم كعمر عبد الرحمن الضرير مؤسس الجماعة الإسلامية في مصر وكان من مشايخ الأزهر وليس الرجل بجاهل بل عنده علم لكنه منحرف في فكره ومنهجه ومتطرف من دعاة التكفير الغلاة ممن تأثر بفكر سيد قطب فهذه المصيبة العظمى طالب علم متخرج من الأزهر درس الفقه والحديث واللغة والسيرة والعقيدة ولو كانت غير عقيدة السلف فقد درس الرجل وليس بجاهل. فهنا الله عز وجل et ceci est arrivé parmi certains qu'on compte parmi l'élite de science, parmi les gens de science comme Omar Abdelrahman Darir l'aveugle aux États-Unis. Il a fondé un groupe islamique en Égypte avant d'être chassé d'Égypte et avant d'aller trouver refuge et asile aux États-Unis. Il faisait partie des gens qui ont étudié Al-Azhar à l'université Al-Azhar. Et cet homme n'était pas un ignorant, loin de là. Il avait une science, mais il était dévié dans sa pensée et dans sa voix. Et il était extrémiste. Il faisait partie des du'a d'El Tkfir. Et parmi les extrémistes parmi eux, il a été influencé et atteint par la pensée de Sayyid Qutb. Et ça, c'est la grande catastrophe. Un demandeur de science, diplômé de l'Azhar, qui a étudié la jurisprudence, le hadith, la langue, la biographie, l'aqida, même si ce n'est pas l'aqida des salaf, l'homme n'est pas ignorant, il a étudié. Et il est tombé dans l'extrémisme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. فَمَا الَّذِي جَعَلَ هَذَا الرَّجُلَ يَتَطَرَّفْ أَنْ يَكُونَ تَكْفِيرِيًا غَالِيًا مُهَيِّجًا. لأن الرجل أخذ العلوم الشرعية من الأزهر والفكر والمنهج من سيد قطب. Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit un extrémiste parmi le roulade d'El Tkfirin, d'El ceux qui excitent les gens contre leur gouverneur. Alors que cet homme a appris les sciences de la législation à l'université Al-Azhar. Mais ce qui a fait qu'il est allé à cet extrême, c'est qu'il a pris la pensée et la voix du Sayyid Qutb. وَمِنْ هُنَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِنْحِرَافِ حَتَّى إن بعض المشايخ في السعودية قال إن هذا الرجل أيام فتنة الخليج الأولى كفر الشيخ بن باز. لماذا؟ لأن الرجل عنده غلو. Et partant de là, c'est de là que lui est arrivé cet égarement, la voix de Sayyid Qutb. À tel point, certains mashayikh en Arabie Saoudite ont dit que cet homme, c'est-à-dire Omar Abdelrahman Darir, il a rendu mécréant Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, à l'époque de la première guerre du Golfe. Pourquoi il a rendu mécréant Ibn Baz, parce que Abdelrahman, Omar Abdelrahman, était un extrémiste, un ghalif takfir. وهذا الرجل خرج من مصر واختار أمريكا وبدل أن يدعو إلى الله على منهاج السلف صالح بالحكمة والعقل وبدل أن يعلم المسلمين ما جهلوا من دينهم هناك وبدل أن يدعو الكفار إلى الإسلام ويبين لهم محاسنه ويرشد ويرد شبه الكفار كون جماعة انتظم فيها بعض الشباب وقاموا بتفجيرات وخططوا لأخرى ثم انكشفوا وضبطوا وحكم على عمر عبد الرحمن الضرير وقد تعدى 60 سنة بالمؤبد ولا زال مسجونا بأمريكا ومن هذا النموذج عدد كثير على سبيل المثال عمر البكري وأبو حمزة وأبو قتادة وغيرهم كثير نسأل الله السلامة والعافية والتبات على منهج السلف رضوان الله عليهم السيطان فخام الله عز وجل إلى كتير إجيبت إلى شوازي كمبي دازيل لم يغيك. Et au lieu d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, de faire une da'wah là-bas, selon la voie du plaisir, doit Allah alayhim, d'appeler avec sagesse, et d'appeler selon la voie du prophète et des vertus et des plaisir, doit Allah alayhim. Et au lieu d'apprendre aux musulmans ce qu'ils ignorent de leur religion, au lieu de faire de tout ça, au lieu d'appeler le kuffar à l'islam et de leur montrer le bienfait de l'islam et la bonté de l'islam et les vertus de l'islam, au lieu de répliquer aux ambiguïtés des mécréants, il a formé un groupe dans lequel ont adhéré beaucoup de jeunes, que ce soit égyptiens, soudanais et autres, parmi tous les pays arabes qui sont là-bas, et parmi les gens de Cham et autres, parmi les jeunes qui sont là-bas, ils ont fait certains, ils ont posé certaines bombes dans certains endroits, ils ont fait des stratégies pour faire d'autres, mais ils ont été arrêtés. Et la sentence qu'a reçue Omar Abdelrahman Darir, alors qu'il dépasse les 60 ans, et pour perpétuité, dans une prison américaine, en plein mécréance, frère en Allah, Azza wa Jal. Voici où ça amène l'excitation et le fait de dévier de la voie de nos plusieurs, doit Allah alayhi. Et parmi cet exemple, il y en a beaucoup. Comme exemple, je donne Omar al-Bakri, qui était à Londres, et qui a disparu maintenant, on ne sait plus où il est. Il dit qu'il est au Liban, là, je ne sais pas. Il y a Abu Hamza, Abu Qatada et d'autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur la voie de nos plusieurs, doit Allah alayhi. فإلى هذا توصل المناهج المنحرفة عن منهج الأنبياء والمنحرفون عن منهج الأنبياء كثر اليوم نسأل الله أن يهديهم والسعيد منا كل السعادة من اتعظ بغيره فإن الله عز وجل سيفرساك سامن les voix qui ont dévié de la voix du prophète عليه الصلاة والسلام et les voix de ceux qui se sont qui ont dévié de la voix du prophète عليه الصلاة والسلام سيفرساك سامن vers la catastrophe, le fait d'être emprisonné, ou là de mourir une mauvaise mort, et ainsi de suite. Là, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Et l'heureux, et le comblé de bonheur, c'est celui qui prend la leçon de ce qui se passe devant lui. يجب إخوة الإسلام أن نأخذ العبرة والدرس ولا نقع في الانحراف كما وقع من قبلنا ونسأل الله أن لا يجعلنا عبرة لغيرنا. فهؤلاء عبرة لنا فانظروا إلى أي مصير يؤذي الانحراف والإعراض عن السنة ومنهج السلف رضوان الله عليهم هنا الله عز وجل il faut que nous prenions la leçon il faut pas qu'on tombe dans l'égarement comme sont tombés les autres il faut qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et qu'on prenne les leçons de ce qui se passe autour de nous et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons pas une leçon pour les autres parce que ceux devant nous là que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de leur voix et que Allah subhanahu wa ta'ala guide les guides vers la voie du plaisir dans l'âme, c'est une leçon pour nous. Regardez vers où ça amène à la fin les voies de l'égarement. Vers où ça amène le fait d'être, de donner le dos à la sunna et de donner le dos à la voix de nos puiseurs d'Allah alayhim. فعودة إلى كلام شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومتع به حامل لواء العرش الجرح والتعديل في هذه الأزمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه صحته ويعافيه ويشافيه وأن يطيل عمره على في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الدب عن هذا المنهج المبارك الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. Afin Allah subhanahu wa ta'ala, nous revenons vers le livre de Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala, qui porte l'étendard de cette science de la réfutation et de l'éloge, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il allonge sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la défense de cette voie. Et que Allah subhanahu wa ta'ala le comble avec le Firdaus al-A'la, incha'Allah. Qala Hafidhahullah ta'ala, Aasha hada al-Nabi al-Karim, alayhi salatu wa salam, alayhi salam, في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب أي عن قرب وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب فمن أين ينطلق للإصلاح ومن أين تكون نقطة البداية. الشيخ حفظه الله تعالى دنديخ. Ce noble prophète, alayhi salatu wassalam, a vécu dans les palais et il a connu la perversité et le mal des lois et des gouverneurs de très près. Il a connu leur mal. Et il a goûté l'amertume de ce qu'ils lui ont fait subir comme injustice et comme mauvais traitement. Et il a été emprisonné. Et il a vécu au milieu d'une communauté qui adorait les statues, qui adoraient les vaches, qui adoraient les astres, par où doit partir dans la réforme ce prophète alayhi salatu wassalam ? Et quel doit être le point de son départ ? Qala alayhi salatu wassalam, qala hafidhahu Allah ta'ala, hal yabda'u fi da'wati ila Allah, wa huwa masjunun dhulman, wa yusharikuhu fi sijni madlumuna mithlah, من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين. Il dit حفظه الله تعالى. Est-ce qu'il va commencer sa da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est dans la prison, il subit la prison injustement. Et est associé avec lui dans cette prison d'autres qui sont là injustement. Est-ce qu'il va commencer à les exciter et à les pousser à se révolter contre eux? C'est gouverneurs qui sont injustes et tyrans. يقول الشيخ حفظه الله وهذا منطلق سياسي لا شك فيه والفرصة متاحة أمامه أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأس إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله ومن حيث انطلق جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. Et il dit حفظ الله تعالى. Et ça, le fait d'exciter les gens et d'appeler à une révolution, ça c'est le point de départ des politiciens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il dit, et l'occasion est ouverte devant lui. Ou alors il va commencer par la da'wa, il va commencer sa da'wa du point de départ où ont commencé ses nobles parents et à leur tête. Ibrahim, عليه الصلاة والسلام لم ينتمد الله سبحانه وتعالى الإمام دي دعاة vers le monothéisme par excellence et où il va commencer de là où ont commencé tous les messagers d'Allah. يقول حفظه الله لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. Il dit حفظه الله تعالى يا aucun doute que la seule voie de la réforme, en tout lieu et en tout temps, c'est la voie qui appelle vers la aqida, vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدتهم ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que commence Youssef de là, de ce point de départ, en prenant comme exemple, hein, ces nobles aïeuls, alayhi salatu salam, en étant fiers avec leur aqida et en négligeant, hein, l'associationnisme et les associateurs en les avilissant parce qu'ils prennent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les statues, les vaches et les âtres et les astres. وبعد هذا البيان يقول الشيخ الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونفذ الشرك يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله ثم يفسر الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ويقول الشيخ في الحاشية هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد كما بين الله ذلك على لسان يوسف عليه السلام. ومن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا بتفسيرها جدا عن مدلولها الأساسي إخلاص العبادة لله وحده إلى مدلول سياسي وإقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناس المعنى الأصيل للآية ولا يفهمون منها إلا المعنى الجديد فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عاملوا كل ومعظم آيات التوحيد. الشيخ دونديغ حفظه الله تعالى après cet éclaircissement clair et ces paroles claires et ces da'wah claires vers le monothéisme et le fait de négliger l'associationnisme, de lui donner le dos, et il confirme sa da'wa, c'est-à-dire la da'wa vers le monothéisme, il s'approuve en disant, et les lois sont uniquement à Allah. Il explique ce que c'est que les lois qui sont à Allah subhanahu wa ta'ala, par le monothéisme, et le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il cite le verset tout de suite après, Allah a ordonné qu'on n'adore que lui. Et ça, c'est la religion droite. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il ramène un éclaircissement en bas de la page, il dit, ce verset est une règle fondamentale parmi les règles du monothéisme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré par la voix de Yusuf alayhi salatu salam. Le verset il s'explique. In il hukmu illa lillah, les lois sont à Allah. Il s'explique comment? Il explique par la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné qu'on lui fasse, qu'on lui réserve le culte exclusivement, et ça c'est là. Religion droite. Donc ça, c'est dit Cheikh Hafidhahullah, c'est une règle fondamentale, est une base fondamentale parmi les règles du monothéisme que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré clairement et a détaillé par la voix de Yusuf alayhi salam dans ce verset. Et il dit, mais malheureusement, avec grand regret, tu vois beaucoup de prêcheurs parmi ce qu'ils appellent vers les réformes, parmi les du'ats du réforme politique, se sont éloignés de l'explication, se sont éloignés beaucoup de l'explication de ce verset et de sa signification de base, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont allés vers une signification politique, qui est le fait d'accomplir un état, prétend-il, qui va accomplir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre à la place d'Allah. Et ils ont exagéré dans ce sens, jusqu'à ce qu'ils ont fait oublier aux gens la signification réelle de ce verset, et les gens ne comprennent de ce verset maintenant que cette nouvelle signification qui est la politique, l'accomplissement d'un état. Et Shir dire, la hawla wa la quwwata illa billah. Et il dit, Hafidhahullah, et ainsi ils ont agi avec la grande partie des versets d'Yal Tawhid, ainsi ils leur ont donné un sens au politique. Fansallah subhanahu wa ta'ala salama wa l'afiyah. Wa yakulu ani tawhid. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il dit du monothéisme. Hein? Ça, c'est la religion droite. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Quant à l'islam, وأعيدها على مسامعكم. سمعتموها مني عدة مرات ولكن أعيدها حتى تتكرر وتستر وترسخ وتستقر في أذهاننا وفي قلوبنا حتى لا نغتر بمن حولنا بالذين يلقون الشبهات. Et je vais la répéter encore une fois, frère en Allah Azza wa Jal. Vous l'avez entendu de ma bouche plusieurs fois. Mais je vais la répéter pour qu'il s'ancre dans notre esprit et qu'il s'installe dans notre esprit et que ça soit clair pour nous, pour que, contre les ambiguïtés de cette kfiri, de ces roulates et de ceux qui appellent vers le hakimiyya, etc. أعيدها على مسامعكم أن الحكم اسم من أسماء الله وحاكمية الله أيها الإخوة كما مر عدة مرات أكرره ليرسخ في أذهاننا ولكي ندفع به شبه هؤلاء الحركيين الذين جعلوا حاكمية الله في نطاق ضيق وهو سياسة. الحاكمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Je le répète encore une fois, frère en Allah عز وجل. الحكم c'est l'un des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le juge. Al-Hakam, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est passé avec nous à plusieurs fois, mais je le répète, pour contrer ces activistes qui ont fait que Hakimiyat Allah, ils l'ont tout simplement acculé, lui ont donné un sens très restreint qui est la politique. Al-Hakimiyat d'Allah se divise en trois parties, frères en Allah Azza wa Jal. Maîtrisez ces trois parties et vous n'aurez plus de problème. In il hukmu illa lillah, fallahu huwa al-hakamu qadaran wa kawnan. Fala hakama wa la hukma fil kawni qadaran wa la kawnan illa lillah. Fahada awwal wa aqsamu hakimiyatillah. Et l'hakimiyya est divisée en trois parties. La première partie, je sais que ces parties, je les ai prises directement. L'explication de Cheikh Ubaid sur l'Usul Talata, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit, in il hukmu illa lillah. La première partie c'est in il hukmu illa lillah. La loi est à Allah Azza wa Jal. Allah c'est le hakam, c'est le juge. Au niveau de ce qui doit être dans cet univers, au niveau du destin et au niveau de ce qui doit être dans cet univers. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de sentence dans l'univers d'Allah, il n'y a rien qui se décide, ni qui est prédestiné. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu. Ça, c'est la première partie du Hakimiyatullah. Rien ne peut se faire dans ce monde. Rien ne peut être décrété pour les gens. Et rien ne peut être décrété dans ce monde et fait dans ce monde et apparaître dans ce monde sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu. Ça, c'est le Hakimiyya, la première partie du Hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide ce qui doit être dans cet univers. Et c'est lui qui décide des sentences. Thaniha, Allah huwa al-hakam shar'an wa taklifan bidayatan min shu'bati la ilaha illa Allah wa hatta shu'bati imatat al-adha 'an at-tariq fal-hukmu shar'an wa taklifan. Fa huwa al-hakam shar'an wa taklifan. Deuxièmement, frère en Allah Azza wa Jalla, deuxième partie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul juge. C'est lui qui les gère. Et c'est lui qui impose et qui fait obligatoire les choses aux gens. Comment s'empare le plus haut sommet des branches de la religion qui est la ilaha illallah, nidin ditradur Allah subhanahu wa ta'ala, au plus bas degré des branches de cette religion qui est le fait d'enlever le mal sur le chemin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge au niveau de la législation et au niveau de ce qui doit être fait par les gens. Faire, ne pas faire, accomplir, ne pas accomplir. Et donc même, comment gérer un pays, comment faire de la politique, rentre dans cette hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il rentre dedans. Il rentre dans ce que nous devons accomplir donc dans le monothéisme d'Al, l'adoration, l'ulouhiyya. وثالثها إخوة الإسلام فالله هو الحكم يوم القيامة فهذا حكم الجزاء والحساب. Et le troisième, frère en Allah Azza wa Jal, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge le jour de la résurrection. C'est lui, sa sentence va être soit la récompense soit le châtiment. Donc le hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, frère en Allah Azza wa Jal, retenez-le. Il n'y a rien qui peut se décider, c'est lui qui juge ce qui doit être dans cet univers et dans cette vie, jusqu'à la fin des temps. Depuis avant la création jusqu'à la fin des temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Deuxièmement, les lois, est-ce que les ordres et les interdictions sont Allah subhanahu wa ta'ala? Ça concerne le social ou ça concerne l'individu, ça concerne tout est Allah subhanahu wa ta'ala. fait de réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au fait d'enlever le mal sur le chemin et le fait d'accomplir les sentences et ainsi de suite. Tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième partie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge le jour de la résurrection. La récompense ou le châtiment sont entre les mains d'Allah azza wa jal. Donc, j'espère inshallah que c'est clair pour nous. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْحَاكِمِيَ لَا يُحْسِنُونَ هَذَا التَّعْرِيفِ أَوْ لَا يَعْرِفُونَ أَوْ لَا يُلْقُونَ لَهُ بَالًا مَعَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْنُونَ عِنْدَمَا يُدَادِنُونَ عَنِ الْحَاكِمِيَةِ إِلَّا السِّيَاسَةَ وَالسُّلْطَةَ فَأَمَلُوا الْحَاكِمِيَةَ قَدَرًا وَجَزَاءً. Et beaucoup parmi ceux qui parlent du Hakimiyya, frère en Allah, Azzawajal, ne savent pas perfectionner ces définitions d'homme de science. Ou alors ils ne la connaissent pas, ou alors ils ne lui donnent pas d'importance. Même en la connaissant, ils ne lui donnent pas d'importance. Quand ils parlent de l'Hakimiyya, pour eux, si la politique c'est arriver au pouvoir, c'est prendre le pouvoir. Et ils ont négligé l'Hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau du destin qui gère cet univers, au niveau de la récompense et du châtiment, et de tout. Hein? C'est pour ça que les gens qui les suivent dans cette voie-là, tu vois qu'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Et à part faire leur sunna, leurs adorations, etc. Parce qu'ils sont préoccupés par les gouverneurs. Et par les soi-disant, hein, défauts des gouverneurs, etc. Donc ils n'ont pas le temps de s'auto-observer eux-mêmes et d'authentifier leur adoration. Et tu les vois quand ils prient à côté de toi, ou là quand ils le voient faire une sunna, etc. Tu le vois comment ils sont. Dans leur prière n'est pas l'image de ce verset du prophète salam, priez comme vous m'avez vu prier. Dans leur aspect intérieur, tu ne vois pas la sunnah de Mohammed al-Islam en passant par la barbe jusqu'à voir leur tissu qui traîne et qui suit les urines des chiens dans les ruelles des pays de la mécréance. Pourquoi ils se négligent eux-mêmes? Pourquoi ils n'appliquent pas les lois de Allah sur eux-mêmes? Parce qu'on les a éduqués, on les oriente tout simplement vers les gouverneurs. Et ainsi ils s'oublient eux-mêmes. Ils ne savent pas que les pauvres, en agissant ainsi, ils sont très loin de la voie de Mohammed al-Islam et de la voie des nobles prophètes. Allez, Mohammed al-Islam, de la voie de nos puissants d'Allah. كذلك وحكم شرعا يقصرون على القضاء وإقامة الحدود ما في كلام أن لا إله إلا الله ولا عن إماطة الأذى عن الطريق. فالحاكمية عندهم مسألة سياسية محضة. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est juge au niveau de la législation, au niveau des ordres, au niveau des interdictions, cela, il l'accule tout simplement et il le restreint à tout simplement au fait de donner les sentences et d'accomplir les sentences et d'accomplir un état. Il ne parle pas de la ilaha illallah, ni du fait d'enlever le mal sur le chemin. La hakimiyya chez eux, c'est tout simplement une question politique pure. Ikhwat al-Islam, il hukmu illa lillah, qadaran, wa shar'an, wa jaza'an. وشرعا يشمل الشرع كله من أوله وأعلاه لا إله إلا الله إلى أذناه إماطة الأذى عن الطريق فإذا نادينا بحاكمية الله ندادي بها بهذا المفهوم الشرعي الشامل بأقسامها الثلاثة. فهنا الله عز وجل للواء الصنطينيك مع الله سبحانه وتعالى au niveau du destin qui doit être, qui gère ce monde, au niveau de tout ce qui doit apparaître dans ce monde. Il doit être, doit exister dans ce monde. Et aussi au niveau de la récompense et du châtiment. Et au niveau de la législation. Et la législation englobe tout. Du sommet de cette législation qui est n'est digne d'être adoré qu'Allah, jusqu'au fait, au plus bas degré de cette législation qui est le fait d'enlever le mal sur le chemin. Et quand on appelle vers la hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit appeler vers cette hakimiyya avec cette définition complète, avec sa définition légiférée, avec ses trois composantes. والقسم الثاني إخوة الإسلام أن الله هو الحكم شرعا وتكليفا هذا يشمل كل الشرع من شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق لا فرق في هذا بين قبولك لهذا في نفسك وتطبيقه له على نفسك وأهلك وبين مطالبتك لتطبيقه على الآخرين ومطالبتك بتطبيقه على المجتمع ولا يخص هذا القسم فقط الحدود السياسية الحدود والسياسة فقط إنما هذا من لا إله إلا الله لا إماتة الأذى عن الطريق. La deuxième partie de la sentence est à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul juge. Ça c'est la sentence, hein, le décret. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous faire, la législation. Faire et ne pas faire. Cela, ça englobe toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. De son sommet, la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Jusqu'au moindre détail et au plus bas degré de ces branches qui est le fait d'enlever le main sur le chemin. Il n'y a pas de différence entre le fait que tu l'acceptes en toi. Et que tu l'appliques sur toi-même, et que tu l'appliques sur ta famille, et le fait de l'appliquer sur la société, ou de demander à la société de l'appliquer, etc. Et cette partie-là, l'hakim al-shara' est à Allah, subhanahu wa ta'ala, ne s'arrête pas tout simplement au fait d'accomplir les sentences, et à la politique. Non, il englobe toute la vie à l'islam. Il doit gérer toute notre vie. Toute notre vie. Dans notre privé, et dans notre public. Partout. ولكن إخوة الإسلام الحاكمية عند السروريين والقطبيين والجماعات الحركية على شأن الإخوان على شكل الإخوان لا يعرفون من الحاكمية إلا إثارة الفتن والقيام بالثورات على الحكام والانقلاب عليهم والدعوة إلى ذلك من الحاكمية شي لسروري فخيرنا الله عز وجل سي لقطبي سي لقروب أكتيفيست كي سون سور الموديل ديال الإخوان نكونيز دو الحاكمية كل فت d'appeler vers les perturbations des sociétés, et d'appeler vers les révolutions sur les gouverneurs, et d'appeler vers les putsch, et ainsi de suite. C'est ça la hakimia pour eux. وَنَّتَدَبَّرْ قَوْلَ يُوسُفْ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قَالَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا بِمَا بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ فَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ يُوسُفْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى. Et qu'on médite la parole de Yusuf alayhi salam. Il a dit la sentence dans le verset, il dit le hukmo, c'est pour Allah, le jugement est à Allah azza wa jal. Et après il l'a expliqué avec le verset qui est venu après. La meilleure des explications du Coran, c'est le Coran par le Coran. Et il a dit, il ne doit être adoré qu'Allah. Et ça c'est le monothéisme qui est voulu dans la parole de Yusuf alayhi salam. Ce qui est voulu dedans, c'est réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, en premier degré. Après, rentre dedans les autres choses. Mais en premier lieu, et en priorité, rentre devant dans ce verset, le monothéisme et le fait d'accomplir la religion pour Allah Azza wa Jal. Fayaqul le Cheikh Hafidhahullah, wa yasilu Yusuf alayhi salatu wa salam, wa yasilu Yusuf alayhi salatu wa salam ila a'na mansibin fi hadhihi ad-dawla, wa huwa yad'u ila tawhidillah. ويقيم على دعوته ونبوته البينات قال تعالى في بيان هذه الأمور وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم شيخ دنودير حفظه الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام est arrivé au plus haut poste dans cet état de mécréance. L'équivalent de ce qu'on peut appeler le président des ministres ou là le premier ministre maintenant. Et en étant dans ce haut poste, il a appelé vers le monothéisme, vers le fait d'accomplir la religion pour Allah. Et il a accompli sa dawa. Et avec preuve, il a œuvré dans ce sens-là. Il a appelé vers le monothéisme selon ses capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit de la situation de Yusuf alayhi salam, wa qala, et le roi a dit, ramenez-le-moi, il sera mon privilégié, responsable, hein? Ici il dit, ala khazanil ard, sur les trésors et l'économie, ça veut dire l'économie du pays. Le roi a dit, ramenez-le-moi. Il sera mon privilégié, car il est un homme de confiance, et il est fort. Et dans le Coran, il dit, Yusuf a demandé ce poste au Allah. Et il a dit au roi, fais que je sois sur le trésor de la terre, c'est-à-dire le budget, l'économie, tout. Hein? Et إني حفيظ, c'est-à-dire je suis un homme de confiance, عليم, et je sais ce qu'il faut faire avec. Je sais où est-ce qu'il faut les mettre. وإخوة الإسلام هذا يوسف بذل أن يدعو إلى الفتنة ويثير الفوضى أصبح يوسف في منصب يشبه منصب الوزير الأول الآن في تلك الدولة الكافرة فدعوته إلى التوحيد لم تنافي أن يتولى منصبا في حكومة كافرة ودعا إلى التوحيد وهذا دليل واضح أن الداعي إلى التوحيد يصلح ما استطاع يصلح ما استطاع يصلح ما استطاع في الحياة العملية أما التوحيد في نفسه ودعوته لا يتنازل عنه ومع الآخرين يصلح ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهنا الله عز وجل وليك يوسف عليه الصلاة والسلام excite les gens et appelle à une révolution et appelle à l'anarchie il est devenu ce qu'on peut appeler aujourd'hui hein, le premier ministre dans cet état de mécréance. Le fait d'appeler vers, le fait d'appeler vers le monothéisme n'était pas en contradiction avec ce poste qu'il a pris dans cet état de mécréance. Et Yusuf alayhi salam a appelé vers le monothéisme. Et ça, c'est une preuve irréfutable que Da'i, que celui qui appelle vers le monothéisme, hein, en ce qui concerne les gens, il remédie au problème, il essaye de réformer selon ses capacités. Mais contre au monothéisme en lui-même, sur sa vie lui-même, dans sa vie et de sa dawa, il ne doit pas le négliger ni le laisser de côté. Les autres, il essaye de remédier au problème, de les orienter vers le monothéisme, de les appeler, selon ses capacités. Mais en ce qui le concerne, dans sa personne, il ne doit pas négliger le monothéisme, il doit accomplir le monothéisme sur lui-même. Et dans sa da'wa aussi. وهنا شبهة يثير هؤلاء الحركيون في احتجاجهم بقصة يوسف احتجاجا غير صحيح يقولون أن تقلد يوسف للمنصب دليل على السعي إلى المناصب et voici une ambiguïté maintenant que ces harakis, ces activistes ramènent en prenant comme preuve l'histoire de Yusuf alayhi salam mais cette preuve il faut la mettre à sa place la preuve il est là, il est valide il est valide Mais le fait de l'utiliser pour ce que ces activistes veulent n'est pas valable. Ça ne suffit pas d'avoir une preuve qui est authentique en face de toi. Ça suffit de la mettre aussi à la place qui convient à cette preuve. Ils disent, le fait que Yusuf, alayhi salatu salam, a pris un poste, un haut poste, dans cet état de mécréance, il faut courir, il faut chercher à avoir des postes dans les états de mécréance. فلنعود إلى الوراء إخوة الإسلام نزال revenir un peu en arrière فيوسف عليه الصلاة والسلام رغم ما رأى من الفساد في مصر وفي قصر فرعون لم يدعو الناس إلى ثورة ولم يهيج المساجن والناس على الحاكم ودولته ولم يتكلم عن أخطائي الحاكم ولا عن منكرات النساء ولكن دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء التوحيد لأن هناك منكر أعظم من كل هذا وهو الشرك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأنا الله عز وجل بتونو بيان pour que cette ambiguïté il passe pas devant nous comme ça يوسف عليه الصلاة والسلام Malgré ce qu'il a vu comme mal et comme tyrannie et comme injustice en Égypte et comme mal et comme perversité dans les palais du Pharaon, il n'a pas appelé les gens, il n'a pas excité les gens vers une révolution. Hein? Il n'a pas excité les prisonniers vers le fait de se révolter. Il n'a pas excité les gens non plus, les populations, sur le gouverneur et hein, son état. Il n'a pas parlé des défauts du gouverneur ni des choses blâmables qu'il a vues chez les femmes. Dans le palais. Mais il a appelé vers la chose vers laquelle ont appelé le prophète alayhi sallam qui est le monothéisme. Parce que ça, c'est la plus grande gangrène, c'est le plus grand danger, et c'est le plus grand mal sur terre, c'est l'associationnisme. C'est beaucoup plus important que toutes ces futilités. C'est un mal, mais le plus important, c'est d'appeler vers le monothéisme. Et il dit dans le verset, j'ai laissé la voix de gens qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas en le-delà et ils sont mécréants. Et j'ai suivi la voix de mes parents, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Nous n'avons pas à associer à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Et ça fait partie du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et sur les gens. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Faikhwata l'islam. Famahma ra'a Yusuf min fasadin wa min dhulm. Da'ila tawhid. واتبع ملة ودعوة آبائه وسجل من أجل الفساد ظلما وعدوانا ومع ذلك دعا في السجن إلى التوحيد malgré le mal qu'il a vu frère Allah Azza wa Jal Yusuf alayhi salatu wasalam malgré l'injustice qu'il a subi et qu'il a vu devant lui il a appelé vers le monothéisme et il a suivi la voie de ses nobles ailleurs qui sont Ibrahim qui sont Ishaq qui sont Yaqub alayhi salatu wasalam il a été emprisonné pour le mal qu'il ne voulait pas accomplir et injustement. Et malgré tout ça, en prison, il appelle au monothéisme. وانتبهوا الآن إخوة الإسلام. Et faites attention maintenant. ولم يطلب يوسف الحكم ولا سعى إليه. فلما اعتصم بالله جاء به من السجن. قال عز وجل السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والله عز وجل هو الذي جعل ذلك الفرعون يرى رؤية لا يفسرها إلا يوسف. فجعل الله تلك الرؤيا سببا لتمكين يوسف عليه الصلاة والسلام. هون الله عز وجل. Revenons au verset et comprenez-le comme l'ont compris les puiseurs d'Allah alayhim. Yusuf alayhi salatu wasalam n'a pas demandé de poste. Il n'a pas couru, il n'a utilisé aucun moyen pour arriver à ce poste. Mais quand il s'est réfugié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a jeté en prison. Et il a dit, comme il est dit dans le verset, je préfère être en prison que d'accomplir le mal vers lequel il m'appelle. Et Allah Azza wa Jal, quand Yusuf s'est réfugié auprès de lui, a cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cette cause. Il a fait que le Pharaon voit cette vision que ne peut interpréter que Yusuf alayhi salatu salam. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que cette vision soit faite par Pharaon pour que Yusuf alayhi salatu salam soit le seul qui puisse l'interpréter. يقول عز وجل وكذلك مكننا ليوسف في الارض ليتبوأ منها حيث يشاء. Ainsi, il est dit dans le verset, ainsi nous avons donné pouvoir à Yusuf alayhi salatu salam sur terre pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il prend ce qu'il veut sur cette terre. Il s'oriente vers ce qu'il veut. فيوسف إخوة الإسلام حين جاء به من السجن إلى المنصب لم يسعى إليه ولكن قيل له إنك لدينا مكين أمين أي متمكن وأمين على الأسرار وقيل له اختر المنصب الذي تريد أنت أما التعيين فهذا مفروغ منه عيناك اختر ما يناسبك فاختار عليه الصلاة والسلام أن يجعل على خزان الأرض. Frère Allah Azza wa Jal, Yusuf alayhi salatu salam, quand on l'a sorti de prison, quand le pharaon a entendu l'interprétation de Yusuf alayhi salatu salam, ramenez-le-moi, quand on l'a ramené de prison, il n'a pas cherché le poste, il ne l'a pas demandé, mais on lui a dit, maintenant tu es un homme de confiance chez nous. Choisis ce que tu veux, ça veut dire, nous t'avons désigné, mais à toi de choisir le poste qui te convient. Vous comprenez ça? Ce n'est pas les élections ça. Ça, on l'a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala fait que le pharaon y fasse ce rêve que n'a interprété que Yusuf alayhi salam et que par cette cause-là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Yusuf sorte du prison et qu'il se présente devant le pharaon et le pharaon lui dit, tu es un homme de confiance pour nous. Tu es fort, tu es un homme de confiance, tu as un pouvoir, nous te donnons le pouvoir, choisis le poste que tu veux. C'est-à-dire, nous t'avons désigné. Mais toi, tu choisis ce qui te convient. Il a dit, je veux être le responsable du trésor de la terre. ومع هذا المنصب إخوة الإنسلام لم يحكم بغير ما أنزل الله وكان يتجنب الحكم بما في دين ذلك الملك. الله عز وجل. Et réfléchissez bien, écoutez bien, méditez ça et relisez sourate Yusuf عليه الصلاة والسلام. Et malgré qu'il était à ce poste, à cet énorme poste, il n'a jamais émis une sentence qui, il n'a jamais jugé avec quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu. Il a toujours évité de juger avec les lois de ce pharaon. فلما أراد أن يأخذ أخاه احتال حيلة أي الأمر الله سبحانه وتعالى هذه الحيلة بحيث جعل إخوته هم الذين يحكمون في الصارق بشرعة أبيهم يعقوب فالذي يولى منصبا في دولة كافرة يقول أهل العلم واجب عليه أن يتجنب الحكم بغير دين الله عز وجل دونك أن الله عز وجل كونت il a voulu garder son frère avec et que il a caché l'objet qu'il a caché dans leurs affaires etc Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté vers cette ruse hein? pour garder son frère et aussi il n'a pas jugé avec les lois de ce pharaon mais il a dit à ce frère maintenant si on trouve l'objet du roi dans vos affaires c'est quoi la sentence donc il a demandé la sentence de la voix du Yaqub alayhi salatu wassalam pour ne pas juger avec les lois du pharaon. Parce que s'il jugeait avec les lois du pharaon, la sentence serait différente. Alors que dans la voie du Yaqub, le voleur doit être pris et être gardé pour ce qu'il a volé. Et donc, il a fait utiliser, il a fait sortir la sentence de la voie du Yaqub de la bouche de ses frères. C'est pour ça que les hommes de science disent, quand quelqu'un est désigné dans un état de mécréance, dans un poste, il ne faut pas qu'il juge et qu'il accomplisse des actes qui sont en contradiction avec la religion. فعودة إلى كلام شيخ ربيع حفظه الله يقول وقال شاكرا لمولاه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين et aussi dans en ce qui concerne on a fait le hachi à la marche Cheikh il ramène une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Hisba يقول وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان Et concernant ce qu'on vient de dire, Cheikh Rabbi Hafidallah Ta'ala a ramené une parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui est à la page 7 dans le livre d'Al-Hisba, où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, et ainsi, Youssouf le véridique, il était le bras droit du Pharaon. Alors que le peuple du Pharaon est un peuple d'associateurs, et Pharaon aussi. Mais il a accompli la justice et le bien selon ses capacités. Et il les a appelés vers la foi et vers le monothéisme selon ses capacités. Hada, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et il a dit, revenons à la parole de Cheikh Rabbi Hafidhahullah ta'ala, il a dit, remercions son souverain, c'est-à-dire Youssouf alayhi sallam a dit, remercions son souverain. Souverain, tu m'as donné le royaume. Et tu m'as appris ce qui est descendu dans le livre et l'interprétation des rêves et l'interprétation des rêves et l'interprétation de ce qui est dans le livre. Toi, le créateur des cieux et de la terre, tu es mon allié dans ce bas monde et dans le-delà. Fais que je meure musulman, soumis à Allah et que je rejoigne les vertueux. Ainsi a dit Youssouf alayhi salam quand il a eu ce pouvoir et ce poste chez Pharaon. Il a remis les choses à celui qui les donne, à Allah Azza wa Jal. Il a demandé à Allah, il n'était pas un but de lui-même. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que sa vie se termine en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il rejoigne, qu'il soit, Allah subhanahu wa ta'ala fasse rejoindre les vertueux et qu'il soit dans la compagnie des vertueux. وقال الله تعالى في بيان دعوته وذلك على لسان مؤمن آل فرعون ومؤمن آل فرعون كان في أي وقت إخوة كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام ولقد جاءكم يوسف من قبل أي من قبل موسى بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Et Cheikh de nous dire, حفظه الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour nous éclairer sur la da'wah de Yusuf alayhi salam, il nous a dit par la voix et par la langue des croyants de Al-Fir'aun, à quelle époque vivait ce croyant de Al-Fir'aun? À l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam. Il dit dans le verset de Sourate Ghafir, et Moussa est arrivé à vous avant. Youssouf alayhi salatu salam, vous êtes arrivé avant. Avant qui? Avant Moussa. Youssouf est arrivé chez vous avec les éclaircissements, avec les preuves claires. Et vous êtes toujours dans le doute. Vous êtes dans le doute de ce qu'il vous a ramené. Et quand il est mort, vous avez dit, Allah n'enverra plus de messager après lui. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala égare ceux qui ont le doute. Ils sont à l'extrême et qui ont le doute. يقول الشيخ حفظه الله من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز السكوت عنه مهما ولا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهي في أمره أي في أمر التوحيد وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام Il dit, حفظه الله تعالى fait partie de la compréhension de la biographie de Yusuf عليه الصلاة والسلام que Les versets nous ont exposé, que ces nouveaux versets nous ont détaillé que la da'wa vers le monothéisme est quelque chose d'obligatoire. Et que, en ce qui concerne l'associationnisme, il n'y a pas de répit pour l'associationnisme. On ne doit pas se caresser les poils en ce qui concerne l'associationnisme. On doit combattre l'associationnisme. On ne doit pas se taire sur l'associationnisme, malgré la situation dans laquelle se trouve celui qui appelle vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'appartient pas, il n'est pas permis à un musulman. Dans le sens large du terme. Qu'il caresse le sens large du terme en ce qui concerne le monothéisme. Et ça te montre quoi? Ça te montre que l'aqida est quelque chose de très important chez Allah, Azzawajal, et chez ses prophètes, et chez ses messagers. Et que il y a une grande différence entre l'aqida et les autres détails de l'islam. L'aqida est très importante, c'est sur elle que va s'accomplir les autres actes de l'islam, après l'islam. Donc il faut qu'il soit authentifié, il faut qu'il soit solide avant tout. فيقول الشيخ حفظه الله فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة ويتنافى معها بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا لأصنامهم Écoutez, ceci est très important. Il dit, Allah, il n'est pas permis à un musulman, et surtout en particulier à un da'i, d'avoir un poste qui est en contradiction avec l'aqida, ou qui dénigre l'aqida authentique. Exemple, qu'il soit devin, parmi les devins des associateurs, et parmi les divinités des associateurs, ou là les têtes, et qu'il soit le gardien des statues, Sedana, comme ce qu'on voit dans les mausolées, etc., et dans les Zawiyas, tu as des gens, même ils ont de la science, ce sont des gardiens de ces statues, de ce qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il fait ça, dit Cheikh Havidallah, il sera parmi les associateurs égarés. يقول حفظه الله أما الجانب التشريعي فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله وهذا لا شك أنه تفصيل واضح لأهل العلم Et donc, il dit, Havidallah Ta'ala, quand ce qui concerne la législation et le côté législatif, quand ça est accompli l'État islamique, il est obligatoire d'accomplir la législation de Allah. Sinon, il ramène le verset, celui qui ne juge pas avec cela, subhanahu wa ta'ala, a descendu, ceux-là, ce sont les mécréants. Mais il dit la mécréance ici, dans ces cas-là, elle est selon le détail qu'ont fait les hommes de science et à leur tête, les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam et d'autres. Qui ont dit que la mécréance, c'est une grande mécréance quand la personne néglige et rabaisse la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et rend licite le fait de juger avec autre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va être mécréant. Hein, dans ces cas-là. Et c'est une grande mécréance qui sort de l'islam. Mais ça peut être aussi une petite mécréance quand il vénère, il donne de la considération à la législation d'Allah, et il ne permet pas, il ne prend pas comme licite le fait de juger avec autre que les lois d'Allah, mais ses passions l'ont emporté, il a jugé avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une petite mécréance. Et ça, c'est le détail clair qu'ont donné les hommes de science. Et à leur tête, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu arda, qu'on déplaise à ceux qui rendent faibles, hein, l'attar d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu arda. يقول الشيخ حفظه الله أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل ولا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله كما فعل نبي الله يوسف تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. Et ce passage, je veux que vous prêtiez attention, que vous fassiez pas, que vous ayez pas d'imbouguité sur les paroles du Cheikh Rabea. Il dit quand l'État islamique n'est pas accompli, il n'y a pas d'État islamique. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose aux personnes que ce qu'ils peuvent. Et les musulmans, dans ces cas-là, quand il n'y a pas, regardez la condition, quand il n'y a pas l'État islamique, le musulman dans ces cas-là, il peut prendre un poste dans un état qui n'est pas musulman, à condition qu'il accomplisse la justice, et qu'il ne leur obéit pas dans la désobéissance à Allah, et qu'il ne juge pas avec autre que la loi d'Allah, comme il a fait le prophète d'Allah, Youssouf alayhi salam. Il a pris un énorme poste, et il était le bras droit de ce roi et de ce pharaon mécréant, mais il ne jugeait pas avec sa législation. Il est dit dans le verset, il n'avait pas à prendre son frère dans la législation du roi. Et donc, quand il fallait juger dans cette sentence de vol, ben il a pris qui ? Il a fait accomplir la sentence de Yaqub alayhi salatu salam par la voix de ses frères. Et Youssouf alayhi salatu salam accomplissait la justice entre eux, les populations, et les appeler vers le monothéisme. Ainsi doit être celui qui prend un poste dans un pays de mécréance quand il n'y a pas un État islamique. يقول الشيخ حفظه الله وهذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد وهو من دهاة السياسة وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. Il dit Habidallah Tuhana. Et ça, c'est une réplique irréfutable contre ceux qui négligent la situation du dogme et du monothéisme, et qui caressent dans le sens des plans du poil dans le sujet de l'associationnisme qui a rempli le monde. Et il regarde, et c'est une réplique contre celui qui regarde avec mépris les du'ats qui appellent vers Tawhid et qui sont les ennemis de l'associationnisme et qui avilissent et qui rabaissent l'associationnisme. Et il s'élève, hein. Il joue au hautain pour ne pas descendre au piédestal avec les du'ats du Tawhid. Alors, parce que lui, il fait partie des intellectuels de la politique. Et c'est très lourd pour lui, le fait d'entendre la parole du monothéisme ou le combat de l'associationnisme. يقول حفظه الله لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. Et il dit, Habibullah, ce genre de du'ats, qui ce sont des du'ats politiciens, hein, sont tombés dans une fosse, dans une énorme fosse, en croyant qu'ils sont au sommet des montagnes. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Yaqulu Habibullah, wa hal yuflihu qawmun, hada mawqifuhum min da'wati al-anbiya, illa an yatubu amma hum fihi ila Allah tawbatan nasuha. Il dit, ce que va réussir maintenant des gens dont la position est ainsi, des gens qui ont cette mauvaise position vis-à-vis de la da'wah du prophète, non, ils ne vont pas réussir. Il faut qu'ils se repentent de la situation et de la voie sur laquelle ils sont. Hein? Il faut qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se repentent, à repentir sincère. من رؤساء إخوة الإسلام من رؤساء الأرجنتين الذين مروا كان واحدا منهم من أصول شامية. فقالوا له يشترط في رئيس الدولة أن يكون نصرانيا، فتنصر. وهنا الذين لا يعرفون شريعة الله ويهرفون بما لا يعلمون ولا يعلمون منهج الأنبياء قالوا يجوز هذا للمصلحة، فتبا لمصلحة تؤدي بالإنسان إلى الكفر. أيكفر الإنسان من أجل المنصب؟ فمهما كانت المصالح المتوقعة ومهما كان المنصب فلا يجوز لإنسان أن يكفر. هنا الله عز وجل dans l'histoire de l'Argentine, il y a un moment donné, je ne me rappelle plus, hein, un président qui a été élu pour l'Argentine, d'origine du Cham, du nord de l'Arabie. Ils lui ont dit, l'une des conditions du président de l'État argentin, c'est qu'il soit chrétien. Ben, il s'est converti à la religion chrétienne. Et certains qui ne connaissaient pas la sentence d'Allah et la da'wah du prophète alayhi salam et la voix du prophète alayhi salam, ils ont dit, si c'est permis pour l'intérêt, malheur à ce permis, que périsse ce permis qui va amener la personne à la mécréance. Est-ce qu'une personne doit tomber dans la mécréance pour un poste malgré la hauteur et la noblesse de ce poste et malgré les intérêts qui vont arriver de ce poste? Il n'est pas permis à quelqu'un d'être mécréant à l'islam. Fi kalam al-shaykh bayyana lana أنه إن وجدت الدولة الإسلامية لا بد من إقامة حكم الله في الأرض وإن حصل تقصير، ولكن لا بد من إقامة حكم الله. وإن لم توجد هذه الدولة المسلمة، ولكن لاحظ معي أخ الإسلام قيد الشيخ هنا بعدم وجود دولة المسلمة، إن لم توجد الدولة الإسلامية يجوز أخذ المنصب في دولة كافرة، ولكن لا تترك الدول المسلمة وتذهب أن تتوظف موظف كبير عند الكفار. إيه الشيخ فهون الله عز وجل دون سو باساج nous a éclairé que quand il y a un État islamique, il est obligatoire que les sentences de Allah s'accomplissent sur terre, même s'il y a une certaine négligence. Mais il dit, mais quand il est obligatoire que les sentences s'accomplissent, même s'il y a des négligences. Il dit, mais quand l'État islamique n'existe pas, mais regarde, frère en Allah, j'ai cette condition, quand l'État islamique n'existe pas, c'est la condition que l'État islamique n'existe pas, donc, il appartient, il n'y a pas de problème que quelqu'un, qu'un musulman prenne un haut poste dans un pays de mécréance. Mais, il ne faut pas qu'il délaisse les pays de l'islam et après il va chercher un haut poste dans les pays de mécréance à l'islam. Non, c'est pas comme ça. C'est s'il n'y a pas d'État islamique. Wal-Allah hidumai. Ru'us al-harakiyin wal-hizbiyin. Ya'ishuna fi bilad al-kufr. ويدندنون حول الطواغيت وحول الحاكمية ويعيشون عند رؤوس الطواغيت وصباح مساء يدندنون حول الطواغيت. سمعتم غرف أنصار التوحيد وغيرهم زعموا والتكفيريين وص هذه فخيرون الله عز وجل. maintenant vous allez me prêter votre attention. voyez, méditez la situation des têtes d'yel, les activistes et les hizbi qui vivent dans les pays de mécréance et toute leur journée, tous leurs discours tournent autour d'yel tawaghit et autour d'Yel Hakimiya, alors qu'ils vivent chez la tête d'Yel Tawaret. Et matin et soir, ils parlent de Tawaret. Vous avez entendu tout ça sur la rhum d'Yel Ansar Tawhid, et la rhum de ceci, la rhum de cela, et la rhum d'Itkfiriyun, etc. Ils prétendent être Ansar Tawhid. Mais c'est une prétention. Ils ne le sont pas selon la voie du puiseur d'Allah alayhim. وهذا مثال صلاح الصاوي هذا الذي قال فيه الشيخ مقبل رحمه الله إنه خليفة سعيد حوى في الضلال. أسس في أمريكا ما يسمى بالجامعة الأمريكية المفتوحة، ثم جاء مصر وغيرها من الدول يريد أن ينشئ فروعا لتلك الجامعة، وطبعا حصل على موافقة من الأزهر أن يعترف بالجامعة. فانظروا كيف انعكست الأمور والأدوار، أصبحوا يريدون إطلاق الدعوة من بلاد الكفر لدعوة الناس في بلاد الإسلام. وقاعد يفخرون الله عز وجل صلاح الصاوي je vous en ai déjà parlé. صلاح الصاوي pour que vous vous rappelez, Cheikh مقبل رحمة الله عليه a dit que c'est le remplaçant de Saïd Houa, l'une des grandes têtes de l'Ikhwan. C'est le remplacement de Saïd Houa dans les garments. Ce صلاح الصاوي qui a étudié aussi, hein, a ouvert une université aux États-Unis qui appelle l'université ouverte. Et après, il est allé en Égypte et dans d'autres pays pour ouvrir des branches de cette université. Et naturellement, il a eu l'accord d'Al-Azhar et la reconnaissance de cette université. Regardez maintenant comment les situations se renversent. Maintenant, ils veulent faire partir la da'wa des pays de mécréance pour appeler les gens dans le pays de l'islam. Intikasakh al-islam. والحاصل إخوة الإسلام يجب أن نتنبه فالشيخ قيد هنا بعدم وجود الدولة المسلمة جواز أخذ المنصب في دولة كافرة mais la chose sur laquelle j'attire votre attention c'est que Cheikh Rabi Hafidhahu Allah Ta'ala dans ce passage a conditionné le fait de prendre un poste dans un pays de mécréance c'est quand il n'y a pas l'état islamique وبين لنا حفظه الله تعالى أن يوسف لما تعرض للحكم في السرقة قال لإخوته فما جزاؤه إن كنتم كاذبين وهنا قال أهل العلم أن يوسف جعل الحكم على لسان إخوته من أجل أن لا يحكم بما عليه الفرعون الكافر قال عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ويوسف جعل الحكم لإخوته يحكموا على أنفسهم لأنه يعلم أنهم سيحكمون بشريعة والدهم يعقوب ولو حكم شرع الملك لكان الحكم مختلفا ولخالف شرع الله عز وجل فرعون الله عز وجل الشيخ nous a montré aussi que Youssef عليه الصلاة والسلام quand il s'est retrouvé à juger sur le vol il a dit à ses frères c'est quoi la récompense si vous dites que c'est pas vous qui avez volé que vous n'êtes pas venu pour voler si vous êtes menteur c'est quoi la récompense et ici devant ce qu'on a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran les hommes de science ont dit que Youssef a fait que la sentence sort de la bouche de ses frères pour que ses frères jugent avec la loi du Yaqub et que Youssef n'utilise pas et ne juge pas avec les sentences de Pharaon et avec les sentences de la mécréance. Il est dit dans le verset ainsi nous avons insinué donné cette pensée à Youssef pour ruser. Il n'avait pas à prendre son frère dans la loi du Pharaon. Et Youssef, il a fait que la sentence revient à ses frères pour qu'il le juge lui-même. Comme ça, ils vont juger avec ce que Allah a décrété pour le voleur. Et s'il avait jugé avec la sentence du Pharaon, la sentence serait une sentence de mécréance et ce n'était pas permis. وَهُنَا أَمْرُ الْمُهِمُّونِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ تُقِيمُونَ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ لا إشكال أن يكون عند الإنسان منصب ما ولكن المهم أن لا يصل إلى هذا المنصب بالانتخابات ولا يشتمل المنصب على مخالفة في الدين ولا تقع أنت في مخالفة دينك بل تصلح ما استطعت ici une situation très importante qui vous concerne un habitant de les pays de mécréance il n'y a pas de problème que tu aies un haut poste dans l'état de mécréance comme disent les hommes de science mais l'essentiel c'est que ce poste-là, tu n'y arrives pas avec les élections. Et que ce poste-là, tu n'es pas à transgresser dans ce poste les lois d'Allah. Et que toi, tu n'es pas à être en divergence avec ta religion. En toi-même, déjà, tu dois accomplir. C'est-à-dire, ta sunna, tu l'accomplis. Tes prières, tu les accomplis. Tu assistes à ta jumu'a, et ainsi de suite. Et pour ce qui concerne tes subordonnés, ceux qui sont sur ton pouvoir, tu essayes de remédier au problème comme tu peux. Tu n'embrasses pas tes secrétaires si tu en as. Ou le mieux, il faut d'avoir des secrétaires hommes, et ainsi de suite. Tu n'as pas à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui te concerne. Mais le mal qu'il y a, après la mécréance, il n'y a pas de mal. Le mal qu'il y a dehors, ça ne te regarde pas. Tu essayes de remédier au problème et tu le fais selon tes capacités. ففي نفسك تلتزم بدينك تمام الالتزام في ظاهرك وفي شكلك وفي تصرفاتك أما ما يتعلق بالمنكرات في الدولة الكافرة فليس بعد الكفر دن ما تحت مسؤوليتك من المنكرات تغير ما استطعت وما تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن عليك أن لا ترتكب محظورا في دينك أنت من أجل المحافظة والأصول على هذا المنصب فهنا الله عز وجل En ce qui te concerne, tu dois te cramponner à ta religion, même si tu as ce grand poste, ce haut poste. Et tu ne dois rien négliger de ta religion. Mais en ce qui concerne le blâmable, la perversité, tout le mal qu'il y a dans le pays de mécréance, tu n'es pas le responsable. Car après la mécréance, il n'y a plus de péché. La limite, la ligne rouge est dépassée. Tout ce que tu vois, ce qui est sous ta tutelle, sous ta responsabilité, parmi le mal que tu vois sous la responsabilité que tu gères, etc. Tu changes ce que tu peux selon tes capacités. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas. Mais tu ne dois pas tomber toi dans une divergence avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ton poste et pour préserver ton poste. Loin de là, tu ne dois rien négliger de ta religion, ni hein, pour garder ton poste, ni dénigrer ta religion pour garder ton poste, et ainsi de suite. فالكريم يوسف في دولة كافرة احتفظ بدينه وملة آبائه وحكم بما أنزل الله في حد استطاعته ولم يحكم بغير ما أنزل الله وأصلح ما استطاع وإلا فالحكومة كفار والمجتمع كافر فليس مسؤولا عن ذنوب غيره. Et le noble, fils du noble, Youssouf alayhi salam, il a préservé sa religion et son monothéisme, il a appelé, il a jugé avec les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ses capacités. Il n'a jamais jugé avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a réformé ce qu'il pouvait. Sinon, l'État était un état de mécréance. La société était mécréante et il n'est pas responsable des péchés des autres. Mais aussi, frère en Allah, Zawajal, réfléchis. Est-ce que tu as la capacité, même si tu es dans un haut poste, dans les pays de mécréance, est-ce que tu es capable de préserver ta religion, de préserver ta apparence de muslim que t'impose la sunna de Mohammed alayhi sallam? Réfléchissons bien, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, etc. Parce que certains, comme l'Ikhwan et autres, ils disent, il faut arriver au haut poste pour qu'on puisse changer ce pays. Wallah, on ne pourra rien changer dans les pays de mécréance. C'est pas comme ça que le change. C'est pas en prenant des postes. C'est les gens qui prennent les postes, c'est eux qui changent avec le temps. Ils fondent dans la masse. Et comme on me l'a dit, par un haut fonctionnaire, il m'a dit comme ça. Nous, on est un État, en ce qui concerne la France, qui a vécu la révolution. Et donc, tout ce qui rentre chez nous doit s'intégrer, il doit fondre dans la masse. Ici, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas ceci, etc. Ici, on se fond dans la masse. Donc, n'importe comment. Hein? Regardez ce préfet qui a été désigné à un moment donné, d'origine maghrébine. Comment il était? Hein? Il préservait sa religion? Il préservait la sunna sur lui? Hein? Le fait d'accomplir la sunna sur lui, ce qu'il l'avait? Et beaucoup d'autres. Qu'on ne se fasse pas avoir. ومن هنا جاء عن أهل العلم أن لا حرج أن يتولى المسلم ولاية في بلاد الكفر بشرط المحافظة على دينه. Pourtant de là, les hommes de science n'interdisent pas. Ils disent, il n'y a pas de gêne. Le fait d'occuper un poste, qu'un musulman occupe un poste, un haut poste, dans un pays de mécréance. À la condition, sine qu'à qu'il préserve sa religion en ce qui le concerne. أما مسألة الترشيح والانتخابات فاختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا وحتى الذين أجازوها فمن باب المصالح وليس أن الاختلافات جائزة في دين الله فالأصل أنها محرمة في دين الله وهذا طبعا يرجع فيه إلى أهل العلم الكبار ولا يخوض فيه أمثالنا المبتدئون وتعلمون جميعا فهون الله عز وجل en ce qui concerne les élections et le fait de se porter comme guide candidats sur une liste ou quoi que ce soit. Les hommes de science ont divergé sur ce sujet une énorme divergence. Même ceux qui l'ont permis tout simplement pour l'intérêt. Et cela ne veut pas dire que les élections sont permises dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'origine des élections, c'est qu'elles sont interdites dans cette religion. Et en ce qui concerne ce sujet, qui concerne une grande masse de la communauté qui est en Europe, etc., au niveau des élections, on ne va pas chercher nos réponses, c'est les petits ministres des mosquées, ni les ministres des Rouen, ni les ministres des Sorori, etc., dont le but c'est d'arriver à un pouvoir, puis c'est tout, et d'avoir un poste. Là, en ce qui concerne ça, quand on est en face d'une situation pareille, on se retourne vers les hommes de science dignes et vers les grands. Et il y en a encore, hein, de nos jours, Havidakum Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a encore. Le bien et les défendeurs de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a dit qu'il n'y a pas, Bahada, il vit dans un nuage, il n'est pas avec nous sur terre. وتعلمون جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم اصحابه ان لا يطلبوا ولايه ابدا. وطبعا الانتخابات طلب للولاية والمسؤولية. Et vous savez tous, quand le prophète عليه الصلاة والسلام a enseigné à ses nobles compagnons de ne jamais demander l'wilaya, la responsabilité, hein, et de gérer des gens, etc. D'être à la tête pour gérer les gens. Jamais loin. Le gouvernera, être émir, etc. Et naturellement, les élections, c'est demander la responsabilité. Et demander à gouverner. Wa allama al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, al-sahaba alla yas'a fi talab al-wilaya. وقال إنا لا نعطيها لمن طلبها، وقال من أعطيها بغير مسألة فقد أعين عليها ومن طلبها وكل إليها. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, ses nobles compagnons, à toute la communauté qu'ils ne doivent pas courir à chercher les hauts postes, là, les gouverner et gérer hein, les communautés. Et il a dit, ne la donnons pas à ceux qui la demandent. Ne la donnons pas à ceux qui demandent d'être à la tête du gouverneur, on ne lui donne pas. Ou à la tête des hautes situations pour gérer, on ne leur donne pas, a dit le prophète alayhi wa sallam. Mais celui à qui il a été donné, sans qu'il la demande, c'est-à-dire on l'a désigné, comme il s'est passé pour Youssef alayhi salam, on l'a désigné. Ben celui-là, il va être aidé, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider à l'accomplir. Et celui qui la demande, par exemple, hein, par la voie d'Yal Ntikhabat ou autre, qui demande le poste, ben, il va se fatiguer, il va rester en face, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aidera pas, il le laisse entre lui et sa responsabilité. Voilà. Et ce poste qu'il a pris. فطريق الانتخابات الذي هو ترشيح النفس هذا مخالف لمنهج الأنبياء ومخالف للشرع لما فيه من تزكية للنفس وحب للمنصب والسلطة والوصول إليها. La voie des élections, frère, on a Allah Azza wa Jal. Hein? C'est en quelque sorte la personne se fait élire lui-même. Ceci est en divergence avec la voie du prophète, est en divergence avec la législation de Allah, parce qu'il y a le fait que la personne se fait une tazkiya lui-même. Il fait une tazkiya, il dit, moi je mérite le poste. Et ceci a aussi apparaît l'amour du poste, et l'amour du pouvoir, et l'amour d'arriver au pouvoir et d'arriver au poste chez les personnes. Et chez l'Ikhwan, regardez autour d'eux, ils cherchent tous les postes, ils veulent tous les postes. Et ils, dès qu'il s'agit d'un poste, ils voient la guerre qu'il y a entre eux, au sein de leur famille. Regardez au moment des élections du Conseil des musulmans de France, combien de batailles il y a eu entre eux. Combien, alors qu'ils étaient des amis, des frères sur le chemin, comme ils disent, de l'activité d'Al-Haraka, Ikhwal Al-Haraka, et pourtant, ils se sont orientés les uns les autres des flèches pour avoir le poste. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تولى الخلافة ومع ذلك يقول عن ليلة خيبر التي قال فيها الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا غدا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ وسي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ها كي ايتي لو خليف دو سيت كومينوتي اي بورتون Omar ibn Khattab, il disait la nuit de Khaybar, de la bataille de Khaybar, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, demain je vais donner le drapeau de la guerre, à quelqu'un qui aime Allah et qui aime son messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et son messager l'aime aussi. Omar a dit, j'ai jamais espéré avoir l'Imara que ce jour-là. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas être khalif, mais ce jour-là, il la voulait. فالآن, سؤال الذي أطرح عليكم, فهل كان عمر يحب الخلافة والإمارة؟ لا ابدا اي maintenant la question qui se pose est-ce que Omar aimait le khilafa et l'imara non naturellement que non il l'aimait pas ولماذا تمنى ليله خيبر وتمنناها كثير من الصحاب mais pourquoi il a espéré la nuit de Khaybar et beaucoup de compagnons l'ont espéré ما كان يحبها ولكن لما كان فيها ليله خيبر من فضل حب الله ورسوله فكل الصحابه كان يتمنى ان يكون ذلك الرجل من اجل تلك المنقبه لا من اجل الاماره بذاتها Et ni Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, ni les autres compagnons n'aimaient le fait d'être à la tête de la responsabilité. Mais comme, mais pourquoi cette nuit-là, tous ils l'ont aimé, la nuit de Khaybar, tous ont espéré avoir la responsabilité et la tête de l'armée qui va ouvrir la bataille de Khaybar. Ils l'ont aimé pour les vertus qu'il y avait. Qu'a cité Rasoul Allah, c'est-à-dire celui qui aura le drapeau aime Allah, aime son messager, et il est aimé d'Allah et il est aimé de son messager. Voilà pourquoi ils ont voulu la responsabilité tous. Ils ont espéré l'avoir pour cette vertu-là, qui est le fait d'être aimé par Allah et d'être aimé par Rasoul Allah, alayhi wa sallam. Parce que la situation gagnante, ce n'est pas à toi que tu prétends aimer Allah ou Rasoul Allah, alayhi wa sallam, c'est que Allah il t'aime et Rasoul il t'aime. C'est ça, c'est pour cette vertu-là que les compagnons l'ont voulu. فعمر ما تمنى الإمارة والخلافة وما سعى إليها مع أنه تولى وكان أهلا لها وبقي مثلا يضرب في العدل. فخيرنا الله عز وجل عمر n'a jamais espéré الإمارة ni الخلافة. Et il n'a pas couru pour l'avoir. Alors que On lui a donné la khilafa. On l'a mis. Abou Bakr Siddiq l'a désigné directement comme responsable de la communauté de Mohammed. Il a été digne de ce poste. Et il était digne de l'avoir. Et il est resté dans les annales de l'histoire un exemple qui se donne pour la justice. Hein? فالحاصل إخوة الإسلام أن طريقة الانتخابات طريقة مخالفة للشرع ومخالفة لمنهج الأنبياء ولمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. فإن الله عز وجل on termine avec cette conclusion. La voie des élections est une voie qui est en divergence avec la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et la voie de nos puiseurs رضي الله عليهم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayran.